Vous écoutez France Culture. Quatrième et dernier temps de notre semaine consacrée aux Vikings dans la fabrique de l'histoire. Après avoir évoqué lundi le mythe viking, nous être approchés dans le documentaire de mardi de la réalité de la présence viking en Normandie. Puis hier, nous être posé la question des sources à partir desquelles on peut aujourd'hui savoir comment vivaient les Vikings en Scandinavie. Nous allons ce matin nous demander jusqu'où sont allés ces Vikings hors de leur territoire d'origine. Nous le savons, ils sont venus à l'ouest, chez nous, chez les Francs en l'occurrence. Mais ils sont aussi partis à l'est du côté de l'actuelle Russie. Quand sont-ils allés du côté de Kiev ou de Novgorod ? Ont-ils continué beaucoup plus loin, par exemple du côté de Byzance, de Constantinople ? C'est ce que nous verrons avec Perrine Kervan, qui a préparé cette semaine avec nous. Et grâce à des textes qui sont lus encore aujourd'hui pour nous, pour notre grand plaisir, par Nathalie Canoui et commentés par nos deux invités, Pierre Gonneau est professeur à Paris 4 en histoire donc de la Russie et directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Et Pierre Baudouin, qu'on a déjà entendu dans le documentaire de mardi sur les Vikings en Normandie, et professeur d'histoire médiévale à l'université de Caen. Ils ont participé, entre autres, tous les deux, à un ouvrage grand public qu'on peut trouver aujourd'hui, qui était le résultat, le catalogue d'une exposition publiée aux éditions Errance avec le musée de Normandie, « Russie viking vers une autre Normandie ?» Point d'interrogation. Mais avant de débuter notre quatrième émission de cette semaine consacrée aux Vikings, faisons donc un petit tour d'horizon de nouvelles puisées donc et qui sont liées à l'histoire, puisées dans les journaux et sur le net. Roy Greenslade, professeur de journalisme à la City University de Londres, rapporte hier dans son blog sur le site du Guardian que le plus vieux journal imprimé au monde, la Lloyd's List, qui était consacré au monde maritime, va donc à la fin de l'année arrêter de paraître sur papier. Lloyd's List, qui était né en 1734 sous la forme d'une affiche imprimée qui était épinglée sur les murs d'une taverne londonienne, est devenu depuis le journal de référence de la marine marchande. Pour justifier l'abandon du papier, Informa, le groupe propriétaire de Lloyd's List, s'appuie sur une enquête qui a été réalisée en juin dernier auprès de ses lecteurs. Selon cette étude, 97% des lecteurs de Lloyd's List préfèrent lire leur journal en ligne plutôt que sur du papier. Mais un lecteur suédois du Guardian se rebiffe dans les commentaires de cet article sur le site du Guardian et explique que le plus vieux journal papier à être passé entièrement au numérique n'est pas le Lloyd's List, mais le Post Hoc Inrikes Tidningar, le journal gouvernemental d'annonce légale de Suède, fondé en 1645 par la fameuse reine Christine. L'édition papier a en effet été remplacée en janvier 2007 par une édition en ligne, il y a déjà donc 6 ans, ce qui est une éternité dans le monde du numérique. Et une chose est sûre, la Gazette de Théophraste ou encore le Mercure français ayant cessé de paraître depuis un certain temps, la France ne pourra participer à ce concours du plus ancien journal papier passé au numérique. Que reste-t-il d'un quotidien, si célèbre soit-il, quand il a dû fermer par manque de lecteurs ? C'est la question que pose la CGT Culture à propos du fonds photographique de France Soir, car depuis 1987 et leur rachat par la ville de Paris, ces archives photos, composées de 300 000 négatifs et de 400 000 épreuves rassemblées de 1929 à 1980, vadrouille un peu partout dans la capitale à la recherche d'un abri salubre. Et ce que dénonce la CGT, c'est justement que l'actuel entrepôt de la rue d'Aubervilliers dans lequel elles sont stockées, ces archives, ne l'est pas salubre. Et cela malgré le fait que la mairie de Paris ait racheté récemment le deuxième partie de ce fonds photo couvrant les années 80 à 2000 du quotidien qui a été fondé par Pierre Lazareff. Et la CGT d'exhorter la mairie de Paris à embaucher pour sauver et pour rendre ces archives inestimables enfin accessibles au public. Rendre les archives plus accessibles, plus ouvertes, c'est ce que semble avoir fait, si j'en crois le blog Papiers et Poussières, de l'archiviste et généalogiste Jordi Navarro, les archives municipales de Toulouse. Il y a 3 ans, ces archives toulousaines avaient adopté un règlement similaire à beaucoup d'autres en matière de réutilisation des reproductions de documents. Mais nous explique ce blog, les archivistes avaient bien du mal à distinguer entre les usages privés de ces archives et les usages commerciaux des reproductions de documents. Les uns étaient gratuits, les autres pas. Toulouse est donc revenu sur ce règlement et a décidé récemment d'une plus grande ouverture. Désormais, tout un chacun, particulier, association ou entreprise, est libre de partager, de créer et d'adapter les contenus mis à disposition, à condition de mentionner la paternité, de partager son travail aux mêmes conditions et de garder ouverte la base de données s'il la rediffuse. Et le blog Papier et Poussière de conclure, voilà qui va simplifier le fonctionnement du service des archives municipales de Toulouse, respecter le droit à une libre réutilisation et contrôler les usages pour empêcher que d'autres instances privées, celles-là, ne s'emparent de ces documents pour les faire payer de leur côté. Des archives privées, il y en a des formidables que l'on voudrait écouter à l'envi et réécouter. Ainsi celle du Club 44, qui malgré son nom n'a rien à voir avec une boîte de nuit. Non, le Club 44, c'est une institution qui a été créée en 1944 par un industriel de la Chaux-de-Fonds en Suisse et qui organise depuis cette date des conférences avec les plus grands intellectuels européens, mais également des grands hommes politiques français ou encore suisses. Ces conférences sont enregistrées depuis 1957. On trouve donc par exemple dans ce fonds historique des interventions, celles de François Mitterrand en 1958, de Jean-Paul Sartre en 1959, de Maurice Béjart en 1969, de François Truffaut en 83 ou encore de Jean-Pierre Vernant en 87. Eh bien, ça y est, le site de la radio-télévision suisse nous a appris hier que les archives du Club 44 numérisées seront consultables sur le net d'ici un mois et cela gratuitement. Deux petites brèves pour finir. On est heureux pour le musée de la résistance bretonne de Saint-Marcel dans le Morbihan, qui a été créé en 1984 et qui craignait tant l'avenir, l'année à venir, qu'il avait mis sur son site un appel qui était inspiré par celui du général de Gaulle, titré « Le musée de la résistance bretonne a peut-être perdu une bataille mais n'a pas perdu la guerre ». Empêtré dans des problèmes de trésorerie, il devait rembourser une somme importante au conseil général du Morbihan, soit je crois à peu près 65 000 euros, comme nous le raconte le Télégramme. Eh bien ça y est, c'est fait, le conseil général a apuré cette dette et désormais il a demandé néanmoins au musée de la résistance de Saint-Marcel que ce projet de musée soit redéfini pour toucher un public plus large. Et enfin, puisque nous parlons viking depuis le début de cette semaine, notons que le compte Twitter d'Evelyne Ferron, grâce auquel nous suivons bien les informations archéologiques publiées dans les journaux outre-Atlantique, a relayé cette semaine une information du grand quotidien américain USA Today. Les chefs vikings se seraient fait enterrer avec leurs esclaves. Elise Noman, qui est une étudiante en archéologie de l'université d'Oslo, vient de publier un article dans une revue savante d'archéologie dans lequel elle étudie des excavations qui ont été réalisées dans les années 80 et qui déjà à l'époque avaient étonné les chercheurs. On y avait trouvé des tombes avec des squelettes entiers accompagnés de squelettes sans tête. Elise Noman a pu analyser les os de ces différents squelettes et en a conclu que ceux qui étaient enterrés avec leur tête avaient une alimentation riche et carnés, tandis que les autres avaient une alimentation plus pauvre à base de poissons. Conclusion d'Elise Noman, ces régimes alimentaires différents montrent que ces morts étaient de statut social distinct et différent et que les uns étaient des chefs et les autres des esclaves. Mais le directeur du Musée national du Danemark semble un peu plus circonspect quand il déclare que cette hypothèse est intéressante, mais qu'un régime alimentaire ne donne pas une réponse unique à la question du statut social. Alors je vous pose la question pour commencer notre débat autour des vikings et des espaces conquis autres que l'espace franc. Est-ce qu'on savait quelque chose de la façon dont étaient enterrés ces vikings, Pierre Baudouin, et avec qui ils étaient enterrés? Étaient-ce des esclaves? Et pourquoi n'y a-t-il pas de tête, le cadavre sans tête? Je crois qu'il faut d'abord être très très prudent sur ces affirmations. Pierre Gonod parlera peut-être tout à l'heure. On a un témoignage d'Im Fadlan vers 922 qui nous montre l'enterrement d'un chef varègue sur la Volga, qui est accompagné d'un sacrifice d'une femme. On a effectivement des témoignages archéologiques qui montrent qu'on a pu avoir des personnes qui avaient été enterrées avec des chefs vikings. Peut-être qu'il avait été tué à cette occasion-là, mais je crois qu'on ne peut pas généraliser et qu'il convient d'être très très prudent. Oui, Pierre Gonod, à ce propos. Oui, donc le témoignage d'Ibn Fadlan est assez grandiloquent et nous fait une grande scène d'exécution. On étrangle la jeune fille, on brûle le bateau, enfin il y a... un très beau témoignage. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est aussi qu'il raconte qu'il se fait à chaque fois traduire tout ce qui est raconté par un interprète, parce qu'il veut vraiment comprendre ce qui se passe. Et donc, on a un très beau, une très belle scène de mort et d'exécution, mais pour un chef important. Évidemment, ce n'est pas pour n'importe qui. Voilà, donc pour l'instant, on est un peu circonspect. On attend de voir si cette analyse, en l'occurrence à partir de la matière chimique donc, et la matière physique des os de ces personnes retrouvées du côté de la Norvège, peut nous dire quelque chose de ces enterrements vikings, en l'occurrence, et donc en particulier de la possibilité qu'ils aient été enterrés avec leurs esclaves tués. Pierre Baudouin, donc on attend un peu. Oui. Il faut. Donc, si on développe notre propos aujourd'hui, c'est-à-dire d'aller du côté des autres espaces conquis par les Vikings. Bonjour Perrine. Bonjour. Et puis bonjour à vous, Nathalie Canoué. Si on va du côté en particulier de l'Ouest, on se dit, c'est vrai, ça paraît logique. On a jusqu'à maintenant raconté comment les Vikings étaient allés du côté de l'Ouest, justement. Là, ils sont partis à l'Est. Jusqu'où sont-ils allés? Quand sont-ils partis? J'ai cru comprendre en vous lisant, Pierre Baudouin, que alors qu'on célébrait l'anniversaire du traité de Sainte-Claire-sur-Epte, donc, qui était le traité qui permettait de nous raconter comment la Normandie était devenue normande, eh bien, en même temps, il y avait d'autres traités qui avaient été signés, mais c'était plutôt du côté oriental de l'Europe. Oui, alors il y a eu... Également, vers 911, un autre traité qui a été signé, qui a été passé, disons, entre les Rousses hein, et puis l'empereur byzantin. Les Rousses. Rousses. Oui. On tombe là déjà dans tout un débat sur l'origine du mot Russie. Peut-être que Pierre Gonod en reparlera de manière plus détaillée, hein, c'est-à-dire les marchands, les guerriers qui se sont établis le long des axes commerciaux hein, qui menaient vers l'Orient musulman et byzantin, qui parfois ont mis en place des dynasties, qui se sont également intégrées avec les élites indigènes, qui ont formé aussi une partie de l'élite du pays et qui, alors c'est un des éléments du débat, hein, qui aurait donné son nom donc au peuple et au pays. Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait des vraies discussions, en Russie en particulier, pour savoir s'il y avait une origine slave à ce mot rousse, ou si c'était bien effectivement l'arrivée de populations scandinaves du côté de ces régions-là qui avaient donné ce nom-là. Visiblement, c'est une discussion qui a l'air assez animée justement chez les Russes actuels. Qu'en est-il exactement, Pierre Gonod? Et peut-on donner à nos auditeurs quelques bornes chronologiques qui leur permettraient de se repérer dans cet espace qui n'est pas très connu géographiquement déjà, et donc en particulier de dire à partir de quel moment on peut dire que ces populations vikings sont allées de ce côté-là? Alors, on a quand même des traces archéologiques qui sont assez indiscutables. Alors après, évidemment, on a des textes, mais qui sont un peu comme des coups de projecteur très rares. Et puis, on a après la légende qui arrive au XIIe siècle. Donc, à chaque fois, on a des écarts. Disons que l'archéologie nous dit que vers 730-750, il y a déjà des établissements scandinaves au nord de la Russie actuelle, donc du côté de Ladoga. Ensuite, on va en avoir du côté de l'actuelle ville de Rostov, vers 750-780, près de la Volga, donc. Et puis, 820, aux alentours de 820, du côté de Novgorod, la Novgorod que tout le monde connaît, Novgorod la Grande. Et ça, ce sont des points d'appui. Alors, quand on parle de points d'appui, ce sont des petits fortins commerciaux, des endroits où ils sont installés avec quelques maisons. C'est quoi exactement? Voilà, donc on a un endroit qui est vraiment fortifié, c'est près de Novgorod, et où on voit s'établir un centre de pouvoir. Et en 839, là, on a un premier texte carolingien qui nous montre ces Rosses, Rousses, qui ont fait tout un trajet, puisqu'ils sont allés jusqu'à Constantinople, et on les a renvoyés vers l'Empire carolingien pour rentrer chez eux. Et donc, après, la question est d'où venaient-ils exactement? Et est-ce que ça coïncide? Et l'une des hypothèses, mais qui semble raisonnable, est que ça coïncide avec l'établissement de Novgorod. Périne Carvran. Mais on peut quand même imaginer, Pierre Gonod, qu'ils avaient un certain charisme, ces Vikings, puisqu'ils ont donné leur nom à la Normandie, ils ont visiblement donné leur nom à la Russie. Alors même si ce n'était pas forcément des installations spectaculaires, ça a laissé des traces solides, en tout cas à ce niveau-là. Voilà, disons que dans la chronologie, ça prend du temps, entre 730 et à peu près 980, dans les faits. Et dans la légende, on nous ramasse ça en quatre générations. Évidemment, ça va beaucoup plus vite. Et effectivement, là, ce sont des chefs qui arrivent. Il y a Rurik, le fondateur mutique. Après, il y a son fils Igor, son petit-fils Sviatoslav, déjà un nom slave. Mm-hmm. Et on voit que là, il y a une adaptation. Et puis Vladimir. Et là, déjà, on est à Kiev et on a instauré un pouvoir princier, une dynastie qui sera la dynastie des princes russes. Alors, Rurik, visiblement, on s'entend pour dire que c'est un prince mythique, dites-vous. Mais son fils, déjà, Igor, on a déjà des traces historiques de sa présence, de son existence réelle. Donc, visiblement, on ne sait pas très bien à quand remonte l'installation de cette première dynastie. Mais néanmoins, elle n'est pas très éloignée, j'imagine, de celle d'Igor. On en sait quelque chose Oui, disons que Igor, on sait qu'il est mort en 945. Mmh. Donc ça, c'est certain. On ne sait pas quand il est né, ni s'il est le fils de Rurik. Et là, on voit bien que dans la légende, on a étiré un peu la vie d'Igor de façon à ce qu'il bouche un trou. Et puis après Igor, oui, vous là, dites on s'y qu'il y a retrouve. Des traces de lui combattant à 65 ans. Que voilà, effectivement, on a vraiment étiré la légende pour que ça rentre dans les clous, quoi. Voilà, on sait qu'en 941 et 944, il mène des expéditions de plus en plus violentes et de plus en plus importantes contre Constantinople, et que effectivement, c'est là que se noue cette relation avec Constantinople. Périne. Est-ce qu'on sait si ces installations, parce qu'on a souvent l'image en tête des Vikings qui arrivent pour piller les monastères, notamment dans la Seine, comme on a pu en parler mardi, est-ce qu'on sait si ces installations à l'Est étaient d'abord commerciales, pacifiques, agricoles, individuelles, ou est-ce que c'était pareil, des groupes de pillards? Est-ce qu'on a des informations sur la façon dont ça s'est fait? Ce sont des petits comptoirs, plutôt. Au début, il n'y a pas de femmes, puis après, on voit des femmes. Donc, ça indique qu'ils passent l'hiver, qu'ils ne sont pas simplement là saisonnièrement. Et puis, il y a ce site défensif de Novgorod. Et entre 839 et 871, on nous parle d'un Kagan d'Eros. Et donc, il y a déjà un pouvoir qui s'orientalise aussi, puisqu'ils adoptent... Kagan, vous pouvez expliquer pour l'audience. Alors, Kagan, on a ce terme Kagan ou Khan qui s'emploie aussi pour les Khazars. Et donc, visiblement, ils ont adopté un petit peu les formes de pouvoir qui sont dans cette région de l'Europe orientale. Eux sont au nord, les Khazars sont au sud. Et ils essaient de monter quelque chose. Mais c'est encore une sorte d'association, de nébuleuse. Et puis, ça se fédère et ça aboutit vers 980 à une principauté forte autour de Kiev. Mais il a fallu du temps pour descendre de Novgorod jusqu'à Kiev. Alors Pierre Baudouin, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, une épopée comme celle des Vikings est passionnante par justement son expansion géographique. On voit à peu près vers où ils vont, comment ils vont du côté de l'Est de l'Europe. Ils vont jusqu'où au même moment du côté de l'Ouest. Alors il y a évidemment l'Islande, on en a parlé hier. Ils vont peut-être un peu plus loin du côté de Terre-Neuve et pourquoi pas du territoire américain. Actuels, ils vont jusqu'où au sud pour voir un peu quelle est l'expansion maximale de cette influence viking dans l'Europe de l'époque. Alors, effectivement, vous avez, je pense, vu hier l'expansion vers les îles Féroé, vers l'Islande. L'Islande, c'est les années 960-970, la colonisation. À peu près dans la même période. Entre 870 et puis 930. À partir de la fin du Xe siècle, des années 980, on voit des marins islandais qui arrivent jusqu'au Groenland. Hein. Mm-hmm. Donc on va commencer à occuper la partie sud-ouest du Groenland. Et puis, à partir de là, mais ça nous est connu d'abord par des textes tardifs, par les sagas du Vinland, donc des explorations vers le territoire américain aujourd'hui. Oui, vers vers Terre-Neuve, vers la baie du Saint-Laurent. Alors on a mis au jour, il y a plusieurs décennies maintenant, les restes de ce qui peut être un campement scandinave à Lansomidos, à Terre-Neuve. Et pour le sud de l'Europe, ils descendent, donc on sait qu'ils vont du côté de la Normandie, qu'ils descendent plus bas évidemment pour piller des monastères dans la baie de la Loire, du côté de la Gironde, vont-ils encore plus bas et... Alors, on les voit remonter, peut-être on en reparlera tout à l'heure, progressivement les fleuves, y compris la Garonne jusqu'à Toulouse dès 844. Ils sont également attestés en Espagne, on a quelques sources arabes qui en parlent. On les voit intervenir également en Méditerranée, vers 859-860 en Camargue, par exemple. Alors peut-être qu'on aura l'occasion aussi d'en reparler. Il convient cependant de bien distinguer entre cette présence qu'on peut appeler viking. Viking en Méditerranée et puis les conquêtes normandes. Il faut le dire tout de suite. Bon, alors on peut en dire deux mots tout de suite. Les conquêtes normandes, cette fois-ci, qui viennent avec des personnages qui sont originaires du duché de Normandie. Donc, qui sont beaucoup plus tardives. Qui datent de la deuxième moitié du XIe siècle, voilà. Et à partir de 1060. Voilà, c'est un mouvement qui est différent, qu'il faut bien distinguer du mouvement viking. On a souvent tendance à confondre les deux, à se dire voilà, les vikings sont allés jusqu'en Sicile, ils ont conquis la Sicile. Non, ils sont allés jusqu'en Normandie. Et ensuite, ce sont des Normands, un siècle et demi plus tard, qui sont descendus pour conquérir la Sicile musulmane. Voilà, je crois que ce sont le mouvement viking, c'est différent de la conquête de l'Angleterre par les Normands et de la conquête de l'Italie du Sud et de la Sicile. Alors concernant les premières expéditions des Normands vers l'Italie du Sud, c'est à partir du début du XIe siècle. Les grandes opérations de conquête, c'est à partir des années 1040-1050, un peu plus tardivement pour la Sicile, entre 1061 et 1091. Mais c'est un mouvement qui est différent, qu'il faut bien distinguer. Alors, moi, j'aimerais comprendre une chose, c'est que dans la sélection de textes qu'on a eue aujourd'hui, qui a été donc réalisée par Perrine, on a beaucoup trouvé, Pierre Gonod, de textes arabes. Pourquoi y a-t-il autant de textes arabes qui nous racontent cette histoire des vikings du côté de la Russie? Moi, je n'ai pas très bien compris, parce que visiblement, je me dis, les deux espaces géographiques ne sont pas connectés, mais ils le sont connectés. Ils le sont, oui, effectivement, grâce à la Volga, en fait, on peut dire. Parce que le long de la Volga, on a un axe de commerce idéal, évidemment, sur lequel les dirhams se trouvent, on pourrait dire à l'appel. Et puis, au milieu, vers Kazan, disons, il y avait un peu à côté de Kazan, la ville de Bolgar et les Bulgares de la Volga, qui sont une population turque au départ, mais qui s'est converti à l'islam. Et donc, effectivement, les Arabes de califat de Bagdad envoient des missionnaires et envoient des marchands. Premier exemple donc d'un témoignage, donc c'est celui du géographe arabe Ibn Ouradabi Hordarbe, donc, et il remonte au milieu du 9e siècle. Nathalie Canoui. Les Rousses transportent des fourrures de castor et de renard noir, ainsi que des épées, depuis les contrées les plus reculées du pays Saklaba jusqu'à la mer Noire, où le souverain des Roums, l'empereur byzantin, prélève un dixième sur leurs marchandises. Et s'ils descendent le Don, ils passent par Ramlij, la capitale des Khazars, dont le prince les impose aussi du dixième de leurs marchandises. Ensuite, ils gagnent la mer Caspienne et hallebordent sur les rives, là où ils le désirent. Quelquefois, ils transportent leurs marchandises à dos de chameau, depuis Gorgan, une ville du nord-est de l'Iran, jusqu'à Bagdad. Périne. Alors, ce que vous expliquez bien, Pierre Gonod, dans vos articles, c'est à quel moment, finalement, ce ne sont plus les Arabes qui sont au contact avec les Russes, donc avec les Scandinaves, mais bientôt plutôt Constantinople, Byzance, et comment, finalement, il y a un moment de bascule où les échanges commerciaux changent complètement d'axe. Oui, c'est-à-dire que dans les chroniques tardives et dans les légendes, on privilégie la route des Varègues aux Grecs. On nous dit donc un axe tout droit par le Dniepr qui descend depuis Novgorod tout à fait au nord, en passant par Smolensk et Kiev, jusqu'à la mer Noire et à Constantinople. Et donc ça a l'air évident. En fait, ce n'est pas le premier axe. Mm-hmm. Le premier axe, c'est plutôt la Volga et le commerce avec les Khazars et les Arabes. Et puis, il y a une réorientation qui s'opère, effectivement, petit à petit, en particulier à partir de 900, où là, les Russes se sont établis à Kiev, assez fermement. Et donc, 911, premier traité avec Constantinople, 944, deuxième traité. Et entre les deux traités, on voit que le volume des échanges a considérablement augmenté et qu'il y a même un volet militaire dans ces accords. Périne Carvon. Mais justement, vous parlez de volet militaire. Est-ce que, parce que là, on a l'impression que tout se fait finalement dans l'harmonie, la concorde, que tout ça commerce joyeusement, les échanges se font pacifiquement, alors qu'on a une image plutôt agressive de l'arrivée des Vikings, généralement. Comment ça se passe? En fait, ça se passe d'abord mal, hein, effectivement. Il faut quand même le dire. Oui, bien sûr. Le premier assaut des Vikings, attesté dans les chroniques byzantines, c'est 860, et il y a une expédition contre Constantinople. Ils n'arrivent pas à la prendre par surprise, mais ils ont dévasté les rivages du pont Euxin et donc du Bosphore. Et ça a été effectivement un raid hostile. Alors ensuite, il y a encore d'autres raids, et 911, c'est le moment où, comme à Saint-Clair-sur-Epte, au fond, c'est la même année d'ailleurs, les Byzantins, de même que le roi de France, décident, le roi des Francs, il faut faire quelque chose, et on essaie d'appâter, en quelque sorte, ces Vikings en leur promettant... Un territoire. Non pas un territoire, mais on va dire plutôt la clause de la nation la plus favorisée. Ils peuvent venir... Alors, ils viennent par petits groupes, ils entrent dans la ville sans armes, hein, on prend quand même beaucoup de précautions. Et là, ils commercent sans taxes ou pratiquement sans taxes, et ils ont le droit d'acheter le maximum de marchandises précieuses comme les soieries, alors que même les marchands byzantins ont un quota inférieur. Donc, c'est une façon d'essayer de les faire venir, et après, éventuellement, ça c'est toujours la tactique byzantine, d'utiliser leurs troupes comme mercenaires. Et donc, on va recruter des mercenaires varègues parce qu'on trouve que, évidemment, c'est des troupes qui font peur. Alors, qu'est-ce qu'on échange? Parce que moi, je vois l'immensité de ce territoire. Donc, entre le sud de la Scandinavie et puis, Constantinople, il y a quand même quelques milliers de kilomètres. Qu'est-ce qu'on échange sur ces routes commerciales? On passe par la Volga ou par le Dniepr, comme vous l'expliquez, par les fleuves. Qu'est-ce qu'on échange entre le nord et le sud? Alors, on a des descriptions, en particulier dans le traité de Constantin Porphyrogenète, le De Administrando Imperio. Et en fait, on nous dit, ce qui nous intéresse d'abord, c'est les fourrures et les esclaves. Donc, ce sont des marchandises primordiales. Alors après, il peut y avoir d'autres marchandises. Et les Vikings, eux, viennent chercher des marchandises de luxe, donc des soieries, des parfums, des épices, enfin tout ce qui représente le marché, tout ce que peut offrir le marché de Constantinople. Et comme tout cela est bien fait et bien préparé, eh bien on va écouter un extrait du De Administrando Imperio, le livre de l'administration de l'Empire, donc un manuel d'ethnographie politique et de diplomatie qui a été rédigé donc par l'empereur Constantin Porphyrogenète au milieu du Xe siècle. Tout cela nous est lu par Nathalie Canouy. Les monoxyles qui descendent de la Rosia extérieure jusqu'à Constantinople, viennent de Nebogardas, où régnait Senvotaslos, fils d'Igor, prince de la Russie. Tous, ils descendent le fleuve Dnipr et se rassemblent dans la place de Kioboya, Kiev. Leurs tributaires, les Slaves et les autres Sclavini, abattent dans leurs montagnes durant l'hiver les monoxyles et les ayant assemblés, ils les font entrer au tournant de la saison, lorsque la glace a fondu, dans les lacs voisins. Comme ceux-ci se jettent dans le Dnipr, ils pénètrent à partir de là dans le fleuve, arrivent à Kiev, traînent les Moloxis jusqu'à l'arsenal et les vendent aux Russes. Les Russes n'achètent que les coques seules, et démontant leurs vieux monoxyles, ils adaptent sur ces dernières les tollés et autres instruments nécessaires pour les équiper. Au mois de juin, ils se mettent en route par le fleuve Dnipr, descendent à Vitézébé, qui est une place tributaire des Rousses, se rassemblent là pendant 2 ou 3 jours jusqu'à ce que soient réunis tous les monoxyles, puis se remettent en marche et descendent le dit fleuve Dnipr. Enfin, ils arrivent à une île portant le nom de Saint-Grégoire. Dans cette île, ils accomplissent leur sacrifice, car un chêne énorme s'y dresse. Ayant quitté l'île, ils naviguent pendant 4 jours jusqu'à ce qu'ils arrivent au lac que forme l'embouchure du fleuve et dans lequel se trouve l'île de Saint-Éleuthère. Ils s'y reposent 2 ou 3 jours. Puis ils équipent leur monoxyle des choses nécessaires dont ceux-ci manquent, voiles, mâts, vergues, qu'ils avaient emportées avec eux. Alors là, il faut peut-être une petite explication de texte. Déjà, monoxyle, donc on imagine que ce sont des troncs d'arbres creusés, des sortes de pirogues, c'est cela, en oui, l'occurrence, Pierre Gonod ? C'est vraiment le principe de la pirogue, et ça, effectivement, on le connaît aussi du côté de la Normandie. On a des bateaux avec des mâts qui s'adaptent. Et en fait, on peut démonter, remonter les mâts. On le voit dans la tapisserie de Bayeux aussi, qu'ils baissent leurs mâts. Et effectivement, donc, il y a une expédition saisonnière. Les Russes, à partir du printemps, se mettent en route et s'en vont vers Constantinople. Et puis, on nous indique après que quand ils reviennent à l'automne-hiver, là, ils rentrent dans les régions où ils sont les maîtres. Et ensuite, ils vont faire la tournée chez les Slaves et prélever le tribut sur les Slaves, en particulier ses fourrures. Donc, ils sont actifs toute l'année et ils font simplement 2 saisons différentes. Pierre Baudouin, sur ce type de texte, est-ce qu'on peut en tirer justement pour la connaissance et la comparaison avec ce qui se passe justement du côté de l'Occident médiéval dont vous êtes un spécialiste ? Alors, je ferai une comparaison avec un texte qui nous est parvenu par un manuscrit anglo-saxon, l'Old English Orosius, qui a été rédigé donc, à la fin du IXe siècle, qui raconte, presque sous forme d'un reportage, les activités d'un chef norvégien, Ottar, qui était présent à la cour du roi Alfred de Wessex. Il est venu d'ailleurs avec de l'ivoire de morse, et il nous raconte ses activités. Donc il a un domaine, un peu d'agriculture, de l'élevage, un grand troupeau de rennes, et il pratique également la chasse aux cétacés, et puis il entreprend également la première circumnavigation connue de la Scandinavie jusqu'en mer Blanche, où il va rechercher de l'ivoire de morse. Et on le voit également, et on en arrive là au système de tribus, de perception. Il indique qu'il perçoit des tribus, un tribut sous forme de fourrure, sous forme de cordage en peau de phoque, de divers denrées auprès des lapons. Et on voit bien que c'est déjà un système qui est très organisé et qui a pu très bien être également mis en place pour l'Orient, pour l'Europe orientale. Périne Quinvran. Mais de la même manière qu'on a vu, vous nous l'avez expliqué, Pierre Baudouin, comment ce qui a fait la force des Vikings, c'était aussi leur force d'intégration dans les cadres existants, dans les structures existantes. Est-ce que ça a été le cas aussi dans les structures des Slaves, ou est-ce que au contraire ils ont apporté leur structure? Comment s'est passé le mélange, l'intégration avec les populations slaves qui étaient là avant l'arrivée des Vikings? Alors effectivement, on le voit dans les légendes qui nous le racontent a posteriori. Les Vikings arrivent, commencent à s'installer et à percevoir le tribut dans une zone plus ou moins vaste. Et puis, on nous dit, en particulier pour Novgorod, qu'à un moment donné, on les a chassés. Mais donc, il y a une sorte de révolte, une assez violente. Mais, nous dit la légende, et ça va être après un grand problème pour la digérer dans les polémiques au XVIIIe siècle, mais au bout de 3 ans, eh bien, on ne sait pas se gouverner tout seul, nous les Slaves, et donc on va aller rechercher des Vikings et on les invite à venir. C'est ce qu'on appelle traditionnellement l'appel aux Varegs qui fonde... À quelle époque à peu près? Alors dans la légende, on nous dit entre 859, le moment où on les chasse, et 862, le moment où ils arrivent. Et en fait, on voit qu'ils étaient là déjà auparavant, donc 730 au plus tôt Ladoga, 820 à Novgorod. Mais par contre, il y a une chose qui est bien confirmée par l'archéologie, c'est qu'aux alentours des années 865-867, il y a une série de sites de Ladoga, de Novgorod et tout ça, qui sont brûlés, qui sont détruits. Alors, on ne peut pas dire par qui, si c'est une révolte ou si c'est une attaque d'autres vikings, parce qu'entre eux, ils ne se font pas de cadeaux. Oui, parce que ça, on oublie trop souvent de le dire. Et il faudrait rappeler, effectivement, que quelquefois, sur le front occidental, par exemple, eh bien, des souverains francs peuvent prendre des mercenaires vikings qu'ils vont retourner contre d'autres vikings qui risquent d'arriver. Et d'une certaine façon, la Normandie, ça s'est fondée plus ou moins sur ce principe-là. Et ça pourrait être le cas aussi pour ce qui se passe sur le front oriental, en l'occurrence, Pierre Gonod. Oui, certains ont pensé aussi que vraiment Novgorod, l'établissement au moment du Kaganat, avait déjà une surface importante et qu'il a pu attirer des convoitises. Mm-hmm. Alors, il y a aussi un autre élément, sans vouloir trop compliquer, c'est que après le raid de 860 contre Constantinople, le patriarche de Constantinople, Phocius, très connu, nous dit en 867 « Ah, ça y est, formidable, les Russes se sont convertis ». Or, la conversion va être beaucoup plus tardive. Et donc, on s'est demandé si c'était simplement une très faible minorité qui s'était convertie et que là-dessus, on avait crié victoire très vite, ou qu'éventuellement, le Kaganat avait envisagé cette conversion et qu'il y a une résistance forte. Mmh. Et à la suite de ça, le Kaganat disparaît. Après 871, il n'y en a plus. Et donc, on retrouve une Rousse païenne en 911 qui traite avec Byzance. Donc, on a plusieurs éléments, des rivalités, peut-être le rejet des Slaves au début, et la question du christianisme, une première conversion ratée ou en tout cas très épisodique. Et après, ils reviennent, ils reconsolident leur pouvoir et finalement, plus tard, ils se convertissent. Périne Carmont. Et est-ce qu'il y a des trouvailles archéologiques qui confortent ces idées? Alors, je ne sais pas qui pourrait conforter l'idée de conversion ou l'idée de paganisme. Alors, sur le paganisme, c'est les sépultures. Hein. Ça, c'est le plus simple. On a des sépultures païennes, pratiquement, jusqu'à l'an 1000, hein, et même après, bien entendu, dans les régions qui ne sont pas directement à côté de Kiev. La conversion est un long travail. C'est 988, la date à laquelle le prince Vladimir de Kiev ordonne à ses sujets loyaux de se faire baptiser dans le Dniepr, sinon ils auront affaire à lui. Et c'est le début, simplement, d'un processus. Et avant, on voit bien qu'il y a des conversions individuelles, il y a des Varegs qui vont être mercenaires à Byzance qui se convertissent, et il y a la grand-mère de Vladimir, Olga, qui, elle, s'est convertie. Donc, c'est un travail de longue haleine. Alors, puisque vous évoquez ce Xe siècle du côté de ces espaces orientaux de l'Europe, on va écouter un autre texte qui nous est lu par Nathalie Canoui. Et c'est un texte d'un fameux diplomate arabe, vous l'avez évoqué au tout début de cette émission, Ibn Fadlan. Donc, un long texte dans lequel il décrit ce qu'il a vu du côté du Xe siècle, milieu du Xe siècle ou première moitié du Xe siècle. Nathalie Canoui. J'ai vu les Rousses qui étaient venus pour leur commerce et était descendu près du fleuve Attil. Je n'ai jamais vu corps plus parfait que les leurs. Par leur taille, on dirait des palmiers. Ils sont blonds et de teint vermeil. Ils ne portent ni tunique ni caftan, mais un vêtement qui leur couvre un côté du corps et leur laisse une main libre. Chacun d'eux a avec lui une hache, un sabre et un couteau, et ne quitte rien de ce que nous venons de mentionner. Leurs sabres sont des sabres à larges lames, striés de rainures, semblables à des sabres francs. Toutes leurs femmes ont sur leur sein une boîte de fer, d'argent, de cuivre, d'or ou de bois, selon le degré de richesse de leur mari et leur importance sociale. Dans chaque boîte, en forme de cercle, il y a un couteau, le tout attaché sur les seins. Elles portent au cou des colliers d'or et d'argent. Car tout homme, dès qu'il possède 10 000 dirhams, fait confectionner pour sa femme un collier. Et s'il en possède 20 000, il lui fait faire deux colliers, et ainsi de suite. Dès que sa fortune augmente de 10 000 dirhams, il ajoute un collier à ce que sa femme possède déjà. De sorte qu'il peut y avoir sur le cou d'une seule femme plusieurs colliers. Les plus précieuses des parures sont constituées chez eux par des perles de verre vertes, de même fabrication que les objets en céramique que l'on trouve sur leurs bateaux. Ils les paient d'un prix exagéré, car ils achètent une telle perle de verre au prix d'un dirham. Ils les enfilent en sautoir pour leurs femmes. Ils sont les plus malpropres des créatures de Dieu. Ils ne se nettoient pas des souillures produites par les excréments ou l'urine. Ils ne se lavent pas après les relations sexuelles. Ils ne se lavent pas les mains après les repas. Ils sont comme des ânes errants. Quand ils arrivent de leur pays, ils ancrent leur bateau sur le fleuve Athil, qui est un grand fleuve, et construisent sur le bord de grandes maisons de bois. Dans une seule et même de ces maisons sont réunies 10 et 20 personnes, plus ou moins. Chacun a un lit sur lequel il s'assied. Avec eux sont de belles jeunes filles esclaves destinées aux marchands. Chacun d'entre eux, sous les yeux de son compagnon, a des rapports sexuels avec son esclave. Parfois, tout un groupe d'entre eux s'unissent de cette manière, les uns en face des autres. Si un marchand entre à ce moment pour acheter à l'un d'eux une jeune esclave et le trouve en train de cohabiter avec elle, l'homme ne se détache pas d'elle avant d'avoir satisfait son besoin. Voilà un texte d'une précision absolument terrible qui nous raconte donc les supposées mœurs de ces rousses du côté du Xe siècle. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce texte? On peut se fier à ce type de texte pour pouvoir justement faire l'histoire de cette population rousse viking dans ces régions? Bien, ce qui est sûr, c'est qu'aussi, il reflète tout à fait les préjugés d'un bon musulman qui se lave, qui fait ses ablutions chaque fois qu'il le faut, etc. Et pour qui, évidemment, les relations sexuelles et les femmes sont tout à fait séparées de l'univers des hommes et jamais on ne ferait une chose comme ça. Donc, c'est évidemment la première remarque qu'on peut faire. Alors après, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'effectivement, c'est un groupe très compact. Ils ne se séparent pas, ils ne vivent pas individuellement parce qu'ils ne sont pas chez eux. Ils sont au milieu d'un environnement qui est malgré tout potentiellement très dangereux et ils sont ensemble avec leurs marchandises. En campement, quoi, d'une certaine façon. Et leurs marchandises, c'est effectivement en grande partie des hommes et des femmes qu'ils trafiquent. Donc effectivement, une marchandise qui vit avec eux. Périne, Cameron. Oui, puis on voit aussi toujours cette surprise, ces récits de des hommes grands comme des palmiers, à la peau vermeille. Il y a aussi cette surprise physique, c'est-à-dire on regarde l'autre comme complètement différent. C'est des grands blonds, hein, effectivement, et ils ne sont pas comme les autres que connaît Ibn Fadlan. Donc, effectivement, c'est une surprise. Pierre Baudouin, sur un texte comme celui-ci, est-ce qu'il nous permet d'éclairer justement des principes, des mœurs, des modes de vie qui sont reproductibles dans d'autres espaces géographiques que cet espace géographique oriental de la Russie? Alors, effectivement, on a une description de l'autre, déjà, qui est intéressante. Et ce genre de document, il nous renseigne autant, sinon plus, sur la manière dont on voit ces vikings que sur des réalités supposées. À titre de comparaison, par exemple, Dudon de Saint-Quentin, qui écrit à la fin du Xe siècle, enfin à la charnière du Xe et du XIe siècle, à la cour des ducs normands, donne une explication à l'expansion des Danois. Il attribue ça aux mœurs des Scandinaves, et notamment à la polygamie. Hein, c'est ce qui aurait entraîné le surpeuplement et ensuite la nécessité pour eux d'aller chercher des terres au-delà. Donc ça nous renseigne aussi beaucoup sur cette vision de l'autre, qui sur certains points va rejoindre celle des observateurs du monde musulman. Alors ça, c'est quand même très intéressant parce qu'on se dit, Pierre Gonod, voilà des gens qui voient arriver effectivement dans un espace géographique qui est le leur, là où ils sont installés depuis longtemps, ces gens-là, donc ces vikings, ces rousses en l'occurrence. Et donc évidemment, il y a de la surprise, il y a de la découverte, il y a de l'attrait, il y a un peu de dégoût aussi. Et on voit bien qu'il y a toute cette gamme de sentiments que l'on peut avoir quand on voit arriver quelqu'un qu'on n'a jamais vu auparavant. Oui, il y a cette surprise. En même temps, bon, les mœurs des Slaves païens nous sont peu connues, mais on sait que là aussi, ils avaient pratiqué souvent, enfin certaines tribus au moins, la polygamie. Bon, dans les légendes, on oppose les bons Slaves du côté de Kiev, qui eux sont chastes et prudes, etc., et les mauvais Slaves des forêts, qui eux... Ça veut dire que vous n'y croyez pas vraiment, ça. Non. Alors par contre, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'après, le christianisme va poser un problème, évidemment, comme il l'a posé d'ailleurs aux Normands de Normandie. Et Vladimir, Saint Vladimir, celui qui a baptisé la Rus, avait une dizaine de femmes et, nous dit-on, 300 concubines dans tel village, 200 dans tel autre. Alors évidemment, il va falloir mettre de l'ordre au moment où on se fera baptiser et au moment où on deviendra orthodoxe. Mais ça, ça va être notre... C'est déjà une autre histoire. Périne Caron. Et est-ce que, justement, on peut, si on compare, comme vous le faites, Pierre Baudouin, la façon dont la Normandie, enfin la Normandie, les populations locales ont vu arriver les Normands, et puis la manière dont les Slaves les ont vus arriver, comment finalement on explique l'intégration qui s'est faite remarquablement au bout d'un moment ? Oui, alors je crois qu'il faut distinguer déjà entre plusieurs cas de figure. On a parlé déjà de la Normandie, de la Russie. Pourrait dire quelques mots sur les îles britanniques également. Par exemple, pour l'Écosse, on voit des situations qui sont très contrastées entre les Hébrides, par exemple, l'archipel à l'ouest de l'Écosse, où on va avoir une présence scandinave, mais le maintien également de traditions culturelles celtiques, donc une plus grande mixité culturelle, et puis des régions comme les archipels comme les Orcades ou les Shetland, où là, la scandinavisation était beaucoup plus avancée, ce qui pose d'autres questions concernant... Pourquoi des résistances ou pourquoi moins de résistances? Oui, pourquoi plus ou moins de résistance ? Quel est le sort aussi des populations locales, des populations pictes locales, hein, bon. Ont-elles été converties à la religion de leurs conquérants, par exemple, ou aux mœurs de leurs conquérants, ou au contraire, ont-elles disparu ? Voilà, la question, c'est bon, c'est posé, se pose encore une certaine mesure pour l'Écosse. On a suggéré un moment, bon, mais c'est moins admis maintenant, qu'il y avait eu disparition des populations d'origine, voire génocide des populations pictes d'origine. Ou est-ce qu'on a plutôt un processus de déclassement social de ces populations, ou simplement un processus d'acculturation. Et ça, en absence de texte, certes, l'archéologie peut être utile, mais c'est vrai que ça devient difficile au bout d'un certain temps de savoir exactement ce qui s'est passé. Alors, on a quand même des témoignages sur la présence picte pendant un peu plus longtemps, notamment sur certains archipels, mais effectivement, la part des hypothèses ici, elle demeure assez grande. On a, si vous voulez, entre les Orcades, à moindre degré, les Shetland, et puis la Normandie, on a deux cas de figure qui sont très, très différents. C'est tout compte fait, c'est un formidable objet, Pierre Gonod, alors qu'on pourrait dire à la fois transdisciplinaire et aussi géographiquement, qui permet une large ouverture du spectre, la question viking. Parce qu'au bout du compte, pour résoudre certaines questions, il faut peut-être aller voir de l'autre côté de l'axe géographique, voir ce qui s'y passe aussi, comparer les données archéologiques d'un côté et de l'autre, et donc être obligé de travailler ensemble, ce qui est un bel objet d'histoire, en l'occurrence, Pierre Gonod. Oui, effectivement, il faut naviguer comme les Vikings entre diverses régions, voir les points de rencontre. Il y a aussi la base arrière qui est l'île du Gotland, où il y a ces pierres avec des runes et où on nous dit sur beaucoup de ces pierres runiques, eh bien, un tel est parti pour l'Osterweg, c'est-à-dire la voie de l'Est, ou bien pour Gardariki. C'est comme ça qu'on appelle la Russie, avant qu'elle soit Russie, évidemment, le pays des villes. Et il est revenu ou il est parvenu, etc. On voit bien qu'il y a un mouvement fort. Et d'autre part, bon, pour l'espace, disons, de l'Europe orientale, ce qu'on peut dire, c'est que les Vikings sont quand même très minoritaires. Donc, ils sont forcés de s'intégrer. Simplement, ils s'intègrent en général par le haut, en essayant de conquérir un certain nombre de points d'appui, de fonder des dynasties, ce qu'ils arrivent à faire, et après, de se marier avec des élites locales. Périne, oui, parce qu'il faut peut-être le dire, à la fin de cette semaine autour des Vikings, le départ des Vikings des terres scandinaves ne se faisait pas parce qu'il n'y avait pas assez de place ou plus assez à manger, mais c'était souvent des élites qui partaient pour affermir leur réputation, faire du butin et puis revenir parfois ou pas en fonction des événements. Mais c'était en tout cas un départ des élites et pas un départ en masse de populations affamées. Pierre Baudouin. Alors, ça fait l'objet de beaucoup de discussions, notamment pour plusieurs régions de l'Occident. Oui, il y a eu des chefs scandinaves qui ont fait carrière, par exemple, en Occident, mais c'était vrai également en Orient, parce que les expéditions au loin, c'était une manière de récupérer des richesses, du prestige, parfois de faire carrière en Occident, ou bien c'était aussi l'occasion de revenir en force. Avec un butin, avec beaucoup plus de richesse. Et puis du prestige. Alors sur le départ des populations, effectivement, on peut pas, ce serait simplificateur, hein, de, même si c'était régulièrement évoqué, même si certaines sources font l'écho également. Hein, on a parlé du don de Saint-Quentin, c'est le cas d'Adam de Brême également, hein, des questions qui sont liées au manque de ressources. Oui, d'un trop plein d'hommes, d'une certaine façon. D'un trop plein d'hommes. De cette explication-là. Alors, ça a pu jouer pour certains secteurs, par exemple de la Norvège, mais c'est pas la seule explication, c'est pas l'explication en tout cas qui est suffisante. Bon, il y a tout un débat, toute une discussion également sur, a-t-on une colonisation simplement d'encadrement ou est-ce qu'on a également des populations de paysans qui viennent s'installer, de paysans ou de pêcheurs qui viennent s'installer. Là, il y a des discussions qui sont liées aussi à l'interprétation des données dont on dispose, notamment des données toponymiques. Peut-être qu'il y a eu dans certains secteurs une colonisation rurale plus importante qu'on ne l'imaginait. Pierre Gonod, un dernier mot. Oui, bien, ce qu'il faut voir, c'est que le lien n'est pas rompu. Effectivement, dans la légende, on nous dit ils sont partis et puis voilà, ils s'installent. Mais on nous dit en même temps que, par exemple, quand Vladimir a des problèmes au début de son règne, eh bien, il repasse la mer, il va de l'autre côté et puis il va chercher des varègues et il revient avec ses varègues pour aller se battre contre son frère. Alors, on commence toujours par tuer son frère pour s'installer et fonder une dynastie. Et ces échanges et ces allers-retours se poursuivent. Il y a encore des mariages aussi avec des princesses scandinaves au 11e ou au 12e siècle. Donc, le lien n'est pas rompu, mais il est vrai que la dynastie fondée par Vladimir va se slaviser rapidement. Et comme en plus elle adopte la religion orthodoxe alors que la Scandinavie sera convertie très lentement, mais plutôt dans le rite romain, les différences vont s'accroître. Mais il y a encore une parenté. Oui, est-ce qu'on, peut-être pour conclure, est-ce qu'on garde dans les récits des origines, justement, la fierté de ces origines vikings dans les récits qu'on tresse, que ce soit en Normandie, que ce soit pour les Russes? Oui, même dans les récits slaves, on garde encore cette idée. Ils sont venus d'outre-mer et ce sont des maîtres venus d'ailleurs et leur puissance, leur force sont exaltées et sont un objet de fierté. Très brièvement, Pierre Baudouin. Alors, côté... côté normand, pour la Normandie, du don de Saint-Quentin, effectivement, va exalter ses origines danoises, mais il va les rattacher aux des origines troyennes. Oui, hein, parce qu'il faut donc, toujours aller... Ça fait toujours bien. Comme les Francs, finalement. Ils n'ont pas revendiqué un frère de l'empereur Auguste qui s'appellerait Prusse et qui serait allé en Prusse et qui serait l'ancêtre de Rurik. Donc, on boucle toujours la boucle. Mais oui, c'est bien. Il faut toujours aller chercher du côté soit de l'Empire romain, soit des Grecs. On reprend finalement des matériaux littéraires ethnographiques qui étaient déjà présents dans la culture franque pour la Normandie. Merci donc en l'occurrence à tous les deux, Pierre Gonod et Pierre Baudouin, d'être venus pour conclure cette semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire des Vikings. Alors on peut citer entre autres les actes d'un colloque publié sur les fondations scandinaves en Occident et les débuts du duché de Normandie sous votre direction, Pierre Baudouin, un colloque de Cerisy-Lassalle. Il y a un colloque qui va apparaître bientôt. Oui, c'est un colloque intitulé « Vers l'Orient et vers l'Occident ». Donc, c'est les actes de deux rencontres qui s'étaient tenues à Caen et à Novgorod. Et ça sera pendant combien de semaines, de mois? Je pense d'ici 3-4 mois peut-être. Très bien. Et puis donc les deux catalogues des excellentes expositions qui se sont tenues, je crois, donc au musée de Normandie à Caen. Il y en avait une sur les Normands en Sicile. Je ne sais pas si c'était au musée de Normandie. Mais en tout cas, ce qui était sûr, c'est que la Russie Viking, catalogue auquel vous avez collaboré tous les deux, Pierre Gonod et Pierre Baudouin, donc vers une autre Normandie, c'est publié aux éditions Errance avec le musée de Normandie à Caen. Et les Normands en Sicile, c'est pas les Vikings. Ouais, voilà. Et néanmoins, si, on a bien dit, ça n'était pas les Vikings, évidemment. Et Pierre Gonod, un dernier mot. Donc, le livre d'Eros à la Russie que j'ai fait avec mon collègue Lavrov, qui raconte justement depuis les débuts comment on commence avec les Russes et comment on arrive à la Russie. Voilà, merci. Cette émission, comme d'habitude, était préparée par Marie-Vanna Bolivier et Aurélie Marcet. Vincent René était à la technique et Véronique Samouilov à la réalisation.